Supplément, le poème sur Rig. Les antiques sagas racontent que l'un des ases, nommé Heimdall, s'en fut voyager et qu'il aborda sur une côte. Étant entré dans un village, il s'y donna le nom de Rig. Cette tradition fait le sujet de ce poème. Autrefois, dit-on, le dieu fort, vieux et sage s'avança dans les verts sentiers. Rig entra. Le feu brûlait à terre. Aï et Edda, vêtus à l'antique, étaient assis dans la maison. Le travail les avait grisonnés. Rig leur donna quelques conseils, puis il s'assit au centre du banc. Les époux se placèrent à ses côtés. Puis Edda tira de la cendre un gâteau pesant, épais, mélangé de sauce. Elle en ajouta encore lorsqu'il fut sur le plat. La soupe était sur la table, dans une écuelle, et le mets le plus recherché de ce repas était du veau bouilli. Rig se leva, il avait envie de dormir. Il donna quelques conseils, puis se coucha dans le lit avec les deux époux. Rig passa 3 nuits dans cet endroit, ensuite il partit en suivant le milieu de la route. 9 mois s'écoulèrent. Edda donna le jour à un fils. Il était noir et fut appelé Trell, esclave. Il grandit et végéta bien. La peau de ses mains se rida. Ses doigts étaient épais et leurs nœuds sans souplesse. Sa physionomie était boudeuse, son dos courbé. Ses pieds étaient longs. Il employa ensuite ses forces à tresser les écorces molles, à faire des fardeaux. Puis il porta tous les jours des fagots au logis. Une piétonne arriva dans l'habitation. Elle avait les pieds blessés, les bras hâlés, le nez aplati. Elle s'appelait Tille, femme esclave. On la plaça au milieu du banc. Le fils de la maison s'assit près d'elle. Ils se parlèrent avec intimité. Trell et Tille préparèrent le lit de leurs jours pesants. Ils engendrèrent des enfants en paix et en repos. Je me souviens de leurs noms. Raem et Fjösner, Clour et Clegg, Kefser et Fulner, Drumb, Digralde, Drött et Hösner, Lut et Legjalde. Ils bâtirent des maisons de pierre, fumèrent les champs, élevèrent des porcs, firent paître des chèvres et fabriquèrent de la tourbe. Les filles de Trell et de Ti furent Drumba et Kumba, Ökvinkalfa, Arinnefia, Isia et Ambot, Eikentjasna, Teutrughipia et Trönubenia. C'est l'origine de la race des esclaves. Rig s'avança ensuite tout droit sur le chemin et arriva près d'une maison dont la porte était entrebâillée. Il entra. Le feu brûlait à terre. Les époux, assis dans la maison, travaillaient. Le mari préparait le bois pour l'ourdissoir. Sa barbe était rangée, ses cheveux étaient partagés sur son front et ses vêtements étroits. Une cassette était à terre. Sa femme, assise près de lui, faisait tourner le rouet et raccommodait les vêtements. Elle portait un bonnet recourbé, avait des bandes sur la poitrine, un fichu sur le cou et des épaulettes sur les épaules. La maison appartenait à Af et à Amma. Rig leur donna des conseils, quitta la table, eut envie de dormir, se coucha au centre du lit entre les deux époux. Rig passa 3 nuits en cet endroit. 9 mois s'écoulèrent. Un fils naquit d'Amma. Il fut appelé Karl, homme. On l'enveloppa dans le lin, il avait des couleurs. Et ses yeux scintillaient. Il grandit et végéta bien. Il apprit à dompter les bœufs, à faire des charrues, des maisons de bois, à construire des granges et à labourer. Ses parents amenèrent au logis la fiancée de Karl. Des clés étaient suspendues à son côté. Elle était vêtue avec des peaux de chèvre. On la nommait Sneur, l'habile. Et elle fut placée sous le lin, le voile. Ils se marièrent, échangèrent les anneaux, étendirent le drap et firent ménage ensemble. Ils engendrèrent des enfants en paix et en repos. Voici leurs noms. Hal et Dren, Huld, Tegn et Smed, Breitbond, Bundinskeg, Bu et Bod, Bratskeg et Zeg. Ils en eurent d'autres encore, ainsi appelés, Snot, Brud, Svane, Svar et Sprake, Fliod, Sprundevif, Feima, Ristil. Deux descendent les races des hommes. Rik s'éloigna par le droit chemin et arriva près d'une salle. Le sud en indiquait la porte. Elle était presque fermée. Il y avait un anneau au chambranle. Rig entra. Le plancher était sablé. Father et Mother, père et mère, étaient assis dans cette salle et jouaient avec leurs doigts. Le père de famille fabriquait des cordes d'arc, courbait l'aune et faisait des flèches. La mère de famille occupait ses mains, repassait le linge, mettait de l'empois dans les manches. Elle montait son bonnet, sa collerette, était vêtue de long et passait le linge au bleu. Elle avait de beaux sourcils, le sein et le cou plus blancs que la neige la plus pure. Rig leur donna des conseils, s'assit au centre du banc. Les époux se placèrent à ses côtés. Maudor prit la nappe de lin blanc et marquée, en couvrit la table. Elle apporta ensuite des gâteaux de froment minces et les mit sur la nappe. Elle plaça sur la table des plats garnis en argent et pleins de viande, de fruits et d'oiseaux rôtis. Le vin était dans des pots et des vases ornés. Ils burent en causant jusqu'à la fin du jour. Rik se leva ensuite et fut se coucher. Il resta 3 nuits dans cet endroit, puis il s'en alla tout droit sur le chemin. 9 mois s'écoulèrent. Un fils naquit de Mordor. On l'enveloppa dans la soie. Il fut appelé Jarl. Ses cheveux étaient blonds, ses joues fraîches, et ses yeux étincelaient comme ceux du serpent. Jarl grandit au logis. Il secouait le bouclier, fabriquait des cordes d'arc, courbait l'aune, lançait le javelot, faisait des flèches, pesait les lances, montait à cheval, excitait les chiens, tirait le glaive et s'exerçait à nager. Rig, en continuant de marcher, revint dans cette maison. Jarl apprit de lui à connaître les runes. Rig lui donna son nom, le reconnut pour son fils, l'invita à posséder la terre patrimoniale, cette antique demeure. Puis il partit à cheval en suivant une route sinistre et par des montagnes glacées. Il arriva dans une salle. Il lança le javelot, secoua le bouclier, fit courir les chevaux, tira le glaive, éveilla la guerre, ensanglanta les champs, fit perdre des batailles et conquit des pays. Il posséda seul 18 domaines, distribua des terres, donna à tous des bijoux et des chevaux élancés, sema les bracelets d'or et morcela les anneaux. Les hommes étincelants suivirent les chemins humides. Ils arrivèrent aux salles habitées par les herses. Erna, la svelte, la blanche, la gaie, vint à leur rencontre. Ils la demandèrent en mariage, l'emmenèrent et la donnèrent pour épouse au Jarl. Elle passa donc sous le lin. Erna et Jarl furent heureux. Ils furent la souche de plusieurs races et parvinrent à un âge avancé. Leur fils aîné fut Bur et Barn le second. Jod et Adal, Arfe et Mögar, Nidur et Nidjungar, Zon et Sven vinrent ensuite. Ils apprirent à nager, à jouer aux échecs. Il y avait un homme appelé Kund et Konar était son cadet. Les enfants de Jarl grandirent. Ils domptèrent les chevaux, courbèrent les boucliers, firent des flèches, secouèrent les javelots. Mais le jeune Konar connaissait les runes de l'ancien temps, les runes antiques. Il savait aussi sauver les hommes, amortir le chant du glaive, calmer les vagues. Il comprenait le ramage des oiseaux, savait éteindre le feu, apaiser l'océan, calmer les chagrins, et fut doué de la force de 8 hommes. Il échangeait les runes avec le Jarl Rig, mettait les intelligences à l'épreuve, et savait plus que tout cela. Aussi son partage fut-il de se nommer Rig et de connaître les runes. Le jeune Connor traversait à cheval les marais et les forêts, lançait les massues, apprivoisait les oiseaux. Alors une corneille, perchée sur une branche, chanta. Pourquoi le jeune Connor apprivoise-t-il les oiseaux? Il ferait mieux de monter des chevaux, de vaincre des armées. Dan et Danp ne possèdent pas de plus belles salles que les tiennes. Ta noblesse n'est pas moins illustre que la leur. Cependant, ils voyagent sur des carènes, font connaître aux autres le fil du glaive et savent faire des blessures. Le chant du soleil. Cet homme cruel dérobait les biens et la vie aux enfants de la terre. Personne ne passait la vie sauve par le chemin qu'il gardait. Très souvent, il mangeait seul, et jamais il n'invitait personne à partager son repas, à moins qu'un hôte fatigué et peu riche n'arrivât chez lui. L'homme fatigué avait faim et soif, disait-il. Par crainte, il feignait de croire celui qui avait été autrefois méchant. Il donnait à boire et à manger aux voyageurs fatigués, et cela avec franchise. Comme il lui paraissait misérable, il l'assistait avec bonté et pensait à Dieu. Le voyageur se leva. Son esprit était mauvais. Il ne recevait pas avec reconnaissance ce qu'on lui donnait. Son péché était orgueilleux. Il assassina l'homme habile et prudent tandis qu'il dormait. Celui-ci pria le Dieu du ciel de venir à son aide quand il s'éveilla frappé mortellement, mais il fut obligé de confesser son péché qu'il avait abandonné sans défense. Des anges saints vinrent du ciel et emportèrent son âme. Elle vivra éternellement d'une vie pure avec le Dieu tout-puissant. La richesse et la santé ne dépendent d'aucun homme, quand même il serait dans la prospérité. Les choses auxquelles on s'attend le moins arrivent à plusieurs. Personne n'est maître de sa propre paix. Unar et Zeewald ne pensaient pas que la prospérité tarirait pour eux. Maintenant, ils sont nus. Tout leur a été enlevé. Ils courent dans la forêt comme des bêtes sauvages. La domination de la volupté a causé bien des chagrins. Souvent, les tourments viennent des femmes. Quoique le Dieu tout-puissant les ait créées sveltes, elles n'en sont pas moins remplies de malice. Svafad et Skarthedin étaient intimes. Ils ne pouvaient se quitter jusqu'au moment où ils s'aigrirent pour une femme. Elle était destinée à leur nuire. La blanche jeune fille les rendit indifférents aux jeux et aux jours sereins. Ils avaient tout oublié, excepté cette figure blanche. Les sombres nuits devinrent tristes pour eux, car ils ne pouvaient dormir un instant en repos. Ce chagrin fit naître la haine entre de fidèles amis. Presque toujours l'orgueil est sévèrement puni. Ils se battirent pour cette belle femme et périrent tous deux. J'ai observé, en vérité, que nul homme ne devrait être téméraire. La plupart de ceux qui le sont s'éloignent de Dieu. Rode et Veborg étaient riches. Ils croyaient bien agir. Maintenant, ils présentent alternativement leurs blessures au feu. Ils se reposaient en eux-mêmes et se croyaient au-dessus de tout. Mais le Dieu Tout-Puissant donna un autre cours à leur destinée. Ils étaient voluptueux, ils avaient de l'or à profusion. Maintenant, ils sont punis et marchent entre le froid et le chaud. N'aie jamais de confiance en tes ennemis malgré leur langage flatteur. Si tu promets quelque chose de bon, ce sera un avertissement pour d'autres. C'est ce qui arriva à Zurl lorsqu'il se livra au pouvoir de Vigolf. Il devint malheureux pour avoir pensé du bien des meurtriers de son frère. Il leur accorda la paix par bonté d'âme. Ils promirent de l'or en échange, feignirent d'être réconciliés en buvant ensemble. Cependant, la trahison vint d'eux. S'étant rendus le lendemain à cheval à Rekjardl, ils frappèrent avec le glaive celui qui était sans défense et laissèrent échapper sa vie. Ils traînèrent son corps en un sentier désert et le jetèrent dans un puits. Ils voulaient le cacher, mais le Seigneur les vit du ciel où ils demeurent. Le Dieu véritable permit à l'âme de ce hurlet de retourner gaiement chez elle. Quant aux meurtriers, je crois que leurs tourments durèrent longtemps. Intercède auprès des anges gardiens qui parlent avec le Seigneur, afin qu'ils soient favorablement disposés en ta faveur. La semaine suivante, tout te réussira à souhait. N'envenime pas l'action de la colère en faisant encore plus de mal. Apaise celui que tu as affligé, sois bon envers lui. C'est la guérison de l'âme. Il faut prier Dieu qui a créé l'homme afin que les événements de notre vie soient heureux. Beaucoup de peines seront infligées à celui qui aura haï son père. Demandez avec ferveur ce qui vous manque. Vous n'aurez rien sans demander. Peu de gens devinent les besoins de l'individu qui se tait. Je fus appelé de bonne heure, mais j'arrivai tard devant la porte du juge. Je m'y pressais, car des promesses avaient été faites aux solliciteurs. C'est la faute des péchés si nous quittons à regret la demeure de la tristesse. Quiconque a bien agi ne craint rien. Il est bon d'être innocent. Les hommes à l'esprit léger ressemblent aux loups. L'homme qui marche dans un sentier de feu manque de réflexion. Je t'ai donné ici, au nombre de 7, des conseils dictés par la sagesse. Grave-les dans ton esprit, ne les oublie jamais, ils te seront utiles. Je vais te raconter combien je fus heureux dans la demeure de la tristesse, et avec quelle peine les hommes marchent vers les ombres. La fortune et l'orgueil les égarent lorsqu'ils courent après la richesse. L'or brillant devient une longue douleur. La richesse a trompé tant de gens. Il me sembla, car j'étais peu instruit, que l'homme était joyeux d'un grand nombre de choses. Le Seigneur a doué la patrie des douleurs d'une infinité de charmes. Je fus longtemps assis et courbé vers la terre. J'avais cependant bien envie de vivre. Mais le Seigneur puissant était le maître. Les sentiers de la mort m'apparurent promptement. Les chaînes de Hell, solidement rivées, vinrent serrer mes flancs. Je voulus les briser, mais elles étaient fortes. Il est doux de marcher en liberté. Seul je savais combien la douleur gonflait tous mes membres. Les vierges effrayantes de la mort m'invitaient chaque soir chez elles. Je vis le soleil, véritable étoile du jour, descendre tristement dans les nuages, mais dans une autre direction, j'entendais la barrière de Hell siffler lourdement. Je vis le soleil environné de runes sanglantes. Alors on me tira du monde avec violence, et le soleil me parut plus puissant que par le passé. Je vis le soleil, et je crus voir le Dieu saint. Pour la dernière fois, je m'inclinai devant lui dans le monde du temps. Je vis le soleil. Il rayonnait tellement que je crus ne plus rien savoir. D'un autre côté, dans les torrents de Gilvar ruisselait le sang. Je vis le soleil trembler sur la vague, craintif et accablé. Mon cœur s'est brisé de faiblesse. Il m'est arrivé rarement de voir le soleil ainsi affligé. Alors on me tira du monde avec violence. Ma langue était comme un morceau de bois, et tout ce qui l'entourait, froid. Jamais, depuis ce jour sinistre, je n'ai revu le soleil, car les nuages se refermèrent devant moi, et je m'en allai loin des peines. L'étoile de l'espérance s'envola de mon cœur lorsque je naquis. Elle s'envola vers l'espace sans se fixer nulle part pour se reposer. Elle fut pour moi la plus longue de toutes les nuits, la nuit où j'étais étendue raide sur mon lit. Alors s'accomplit cette parole de Dieu, l'homme est poussière. Le Dieu créateur qui a fait le ciel et la terre voit combien d'hommes partent seuls en se séparant d'une famille. Chaque homme jouit de ses œuvres. Heureux celui qui exerce le bien. Des richesses qui étaient mon partage, il me reste seulement un lit de sable. La volupté matérielle égare souvent l'homme. Un grand nombre parmi eux y attache un haut prix. L'eau des ablutions fut pour moi la plus repoussante de toutes les choses. Je fus assis pendant 9 jours sur la chaise des Nornes, puis on me mit à cheval. Le soleil de la race des géants lançait de tristes rayons à travers les nuages humides. Il me sembla que je voyageais en dehors et dans les 7 mondes souterrains. Je cherchais un meilleur chemin en haut et en bas, un chemin plus court. Il faut parler de ce qui me frappa d'abord lorsque je fus arrivé dans le monde de la douleur. Des oiseaux roussis, c'étaient des âmes, voltigeaient en masse comme des moucherons. Je vis voltiger et tomber sur les chemins des vallées désertes les dragons de l'espérance. Il secouait les ailes de manière à faire croire que le ciel et la terre allaient se fendre. Je vis le cerf du soleil courir au midi. Deux individus le conduisaient. Ses pieds touchaient le sol et son bois atteignait le ciel. Je vis les fils des générations chevaucher vers le nord. Ils étaient sept ensemble et buvaient dans des coupes pleines le pur hydromel puisé à la source des forces célestes. Les vents se turent, les eaux s'arrêtèrent, et j'entendis un bruit effrayant. Des femmes défigurées broyaient du terreau pour nourrir leurs maris. Ces femmes, à l'aspect sinistre, tournaient tristement des meules sanglantes. Des cœurs sanglants pendaient en dehors de leur poitrine, fatigués par ce poids. Je vis beaucoup d'hommes blessés passer par ces routes de feu. Leur visage me parut entièrement couvert du sang des femmes qu'ils avaient séduites. Je vis beaucoup d'hommes qui étaient allés vers la poussière. Ils ne trouvaient pas de prière. Des étoiles païennes cheminaient au-dessus de leur tête. Elles étaient marquées de runes sévères. Je vis des hommes envieux du bonheur des autres. Des runes sanglantes étaient tracées sur leur poitrine. Je vis un grand nombre d'hommes tristes. Ils étaient tous égarés. C'est le sort destiné à ceux qui suivent les voies du monde. Je vis des hommes qui avaient formé des complots contre le bien d'autrui. Ils couraient en foule vers le palais de l'avare, les épaules chargées de plomb. Je vis des hommes qui avaient dérobé la vie et les biens à un grand nombre de leurs semblables. De vigoureux serpents venimeux rampaient dans leur poitrine. Je vis des hommes qui n'avaient jamais voulu observer les jours de fête. Leurs mains étaient solidement clouées à des pierres brûlantes. Je vis des hommes qui s'étaient élevés avec forfanterie et outre mesure au-dessus des autres. Leurs vêtements étaient environnés des flammes d'une manière risible. Je vis des hommes qui avaient proféré maintes calomnies. Les corbeaux de Hell leur arrachaient les yeux avec cruauté. Tu ne sauras pas toutes les terreurs endurées par ceux qui sont allés vers Hell. Des péchés fort doux seront amèrement expiés. Le préjudice succède toujours à la volupté. Je vis ensuite des hommes qui avaient suivi exactement les lois du Seigneur. Des flammes pures scintillaient au-dessus de leur tête. Je vis des hommes qui avaient travaillé avec beaucoup de zèle au bien de leurs prochains. Des anges lisaient les livres saints au-dessus de leur tête. Je vis des hommes qui avaient amaigri leur corps par les jeûnes. Tous les anges de Dieu s'inclinaient devant eux. Ils éprouvaient une joie extrême. Je vis des hommes qui avaient nourri leur mère. Un magnifique lieu de repos leur était donné dans les rayons du soleil. De saintes filles avaient épuré leur âme de tout péché et mortifié leur corps pendant longtemps. Je vis des chars traverser les cieux et se diriger vers Dieu. Ils étaient conduits par ceux qui avaient été assassinés sans procès. Père puissant, auguste Fils, Saint-Esprit du ciel, qui avait tout créé, purifiez-nous, je vous prie, de tout péché. Bjokvör et Litzvör sont assis en dedans des portes de Herdis, sur des sièges résonnants. Du fer fondu tombe de leur nez, il fait naître l'inimitié parmi les hommes. L'épouse d'Odin, montée à bord du navire de la terre, le lance courageusement dans les plaisirs. Sa voile, qui repose sur les cordages, ne sera déchirée que fort tard. Mon fils, c'est seulement pour toi et pour les fils de la salle du soleil que ton père a préparé cette coupe. Le sage Vigdvalin l'a tirée de la colline tumulaire. Ici sont les runes gravées par les neuf filles de Njord, Rodveig, l'aînée, Krepveur, la cadette, avec sept de leurs sœurs. Combien de mal a été fait par Svafer et Svaforlog? Les blessures faites par eux, ils les suçaient selon les anciennes coutumes. Ce poème que je t'ai appris, tu le chanteras devant les vivants. Un grand nombre des strophes du chant du soleil ne sont pas inventées. Nous nous séparons ici, mais nous nous retrouverons peut-être lors du grand jour des hommes. Seigneur, donne le repos aux morts et la consolation aux vivants. On t'a chanté en songe une sagesse singulière, mais ce que tu as vu est vrai. Pas un homme, quelle que soit sa science, n'a entendu auparavant les paroles du chant du soleil.